Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Donner de la voix, votre émission engagée et citoyenne sur Fadjet 94.2. 15 minutes d'entretien avec un membre d'une association de votre région pour vous donner envie de vous engager. Et aujourd'hui, Asperger Lorraine, association favorisant l'insertion des personnes Asperger et la diffusion d'informations concernant cette forme d'autisme, avec Corinne Crux, présidente de l'association. Donner de la voix sur Fadjet, présenté par Augustin. Bonjour Corinne Crux. Bonjour. Merci infiniment d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci de m'avoir invité surtout. Mais ce n'était que justice pour tenter d'être la voix de l'autisme aujourd'hui. Et justement, qu'est-ce que l'autisme, Madame Crux ? Alors, on va bien préciser les choses, hein, parce que l'autisme, aujourd'hui, on parle plutôt de trouble du spectre de l'autisme. Et dans ce terme, on va donc mettre à la fois les troubles envahissants du développement, l'autisme, le syndrome d'Asperger, qui est une forme d'autisme. Hein. Aujourd'hui, on parle de TSA. D'accord. Pour faire plus clair. Alors, ce sont des difficultés en communication sociale, en intérêt et comportement restreint et stéréotypé, et des altérations sensorielles, avec ou sans déficience intellectuelle, et avec ou sans altération du langage associé. D'accord. Hein? Alors, si on veut parler du syndrome d'Asperger, parce que moi je représente quand même l'association Asperger Lorraine, hein, pour faire plus simple, on va dire que c'est un trouble sensoriel et neurodéveloppemental sans déficience intellectuelle. D'accord, c'est-à-dire que avoir le syndrome d'Asperger ne modifie en rien le quotient intellectuel et les capacités cognitives. Non, bien au contraire. Certains ont un quotient intellectuel supérieur à la moyenne. C'est pour ça que certains ont été confondus et ont été pris dans un peut-être une, en première instance pour des enfants précoces. Ah, parce qu'on a fait un test du QI, on a sorti un QI supérieur à la moyenne, et comme le syndrome d'Asperger est quand même pas très bien connu encore en France, même par le corps médical, et souvent il y a erreur de diagnostic. Et c'est en cela que l'autisme, et par là même le syndrome d'Asperger, est un handicap et non pas une maladie. Ah oui, la personne qui est... alors pour nous, je vais vous donner un petit terme, hein, on appelle les Asperger les ASPI. Donc, un ASPI, ben, il est ASPI, il est enfant ASPI, il est adulte ASPI, et ça sera une personne âgée ASPI. Hein, aujourd'hui, dans l'autisme, on a bien identifié que quand on parle d'autisme, les gens voient enfant. Par contre, on ne pense pas que l'enfant va devenir un adulte et qu'il sera toujours autiste. Et on ne pense pas du tout aujourd'hui qu'il va devenir une personne âgée. C'est-à-dire que c'est un handicap donc qui s'inscrit dans la durée. Et bien, suite à toute cette précision, est-ce que vous pourriez maintenant nous présenter l'association Asperger Lorraine et son projet ? Alors, l'association Asperger Lorraine, elle a été créée en 2009 par un groupe de parents. Tous des parents, on avait tous des enfants autistes Asperger. Et puis, il n'y avait pas grand-chose ici en Lorraine. Donc, on a décidé de créer une association dont le but était en premier lieu de faire connaître le syndrome d'Asperger et surtout aussi de se réunir, de réunir les familles pour se soutenir les uns les autres. Voilà, à l'origine, c'était ça. Hein, depuis, les missions d'Asperger Lorraine, c'est toujours toujours d'informer le grand public à travers des conférences qui sont organisées, mais d'informer aussi le corps enseignant, donc dans le monde de l'enfance, et aujourd'hui aussi de travailler à l'insertion des personnes autistes Asperger et autistes tout court dans la vie professionnelle. Et où peut-on vous trouver à Nancy ? Alors à Nancy, on se réunit, parce qu'il faut savoir qu'Asperger Lorraine, on est dans les 4 départements lorrains. Ouais. Aujourd'hui, on a créé des antennes pour simplifier la vie de nos adhérents. Hein. Ouais. Donc sur Nancy, on se réunit une fois par mois sur le site du CPN à l'Axou. Et où peut-on retrouver toutes ces informations ? Site internet, vous tapez Asperger Lorraine, le site il sort tout de suite. Et là, vous avez les réunions de toutes les antennes dans les 4 départements lorrains et de toutes les manifestations qu'on organise. Centraliser toutes les informations. Oui, tout à fait. Et j'aurais la question qui suit, c'est celle de vos relations avec le grand public. Quand on parle de l'autisme et d'Asperger, comment réagissent les Nancéens ? Comment est-ce qu'ils perçoivent à la fois ce handicap et votre engagement? Alors, sur le Grand Nancy, la preuve en est, c'est quand on fait une conférence, c'est le nombre de personnes qui viennent à des conférences qui sont organisées, parce que c'est à ce moment-là qu'on le capte le plus, le grand public. C'est quand on organise une conférence à la salle Rographe, par exemple. Mmh. Et donc là, on voit que, par exemple, une conférence avec Joseph Chovanec, pour ne pas le citer. Joseph Chovanec, pour les auditeurs, qui est une personne atteinte d'autisme, mais qui est un grand voyageur et aussi animateur radio. Oui, aussi. C'est un philosophe aussi. Également. Également. dernière conférence avec Joseph, 400 personnes à la salle Rographe. Et souvent, dans ces 400 personnes, il y a un tout petit peu de professionnels. Donc, c'est beaucoup du grand public. Donc, on voit D'accord. qu'il y a un intérêt à connaître un peu plus le syndrome d'Asperger. Parce qu'encore, l'autisme, et quand on dit syndrome d'Asperger, c'est quoi? Pourriez-vous répondre à cette question, finalement? Le syndrome d'Asperger, c'est un handicap qui peut paraître invisible. Parce qu'il y a des troubles du spectre de l'autisme, comme je l'expliquais tout à l'heure. Mais à la fois, on va avoir une intelligence qui va permettre souvent de faire des copier-coller des comportements des personnes dites normales, les neurotypiques. Oui. Donc, il y a des fois, il y a eu souvent des personnes qui sont passées à travers les mailles du filet. Et maintenant, si l'on peut dire, parler de vous et de votre engagement, en quoi consiste votre travail en tant que présidente d'association? Comment se traduit cet engagement dans votre quotidien? Alors, mon quotidien, c'est 100% autisme. Parce que j'ai quitté mon métier. Moi, je suis comptable, j'ai travaillé 20 ans en cabinet d'expertise comptable et maintenant, je suis AVS, donc je m'occupe d'un enfant autiste à l'école. J'accompagne un enfant autiste à l'école. Et puis ensuite, le reste du temps, il y a Asperger-Lorraine, bien entendu, il y a ma famille, mais j'ai un fils Asperger. Oui. Si je suis là, c'est que j'ai aussi un fils de 27 ans qui est Asperger. C'est déjà de coordonner les quatre antennes, bien entendu, mais c'est beaucoup de travail de terrain. Moi, aujourd'hui, l'inspection académique me demande d'intervenir devant des profs, dans des collèges, dans des lycées, dans des écoles, pour leur expliquer ce qu'est le syndrome d'Asperger, de donner une formation à des AVS, des accompagnants comme moi, qui sont dans les écoles. Je travaille beaucoup parce qu'on a créé un dispositif d'accompagnement à l'emploi qui s'appelle le Passer-Lorraine, qui a un an d'existence. Le Passer-Lorraine, oui. Et qui devrait être une passerelle pour permettre, c'est pour ça qu'on l'a appelé passer, aux personnes autistes de trouver un emploi avec un type d'accompagnement. Le problème, c'est que il faut changer les mentalités, il faut que les entrepreneurs sachent que ces personnes qui sont autistes, elles peuvent apporter beaucoup dans le monde de l'entreprise. Donc là, moi, j'essaye de développer le dispositif en trouvant des partenaires, en trouvant aussi une enveloppe budgétaire en face. Donc là, ça me demande un investissement énorme, parce que créer du réseau, C'est extrêmement difficile, surtout sur des thématiques que l'on peut avoir tendance ou bien à ne pas voir ou bien considérer comme étant trop difficiles à aborder. Tout à fait. On imagine pour un employeur. Tout à fait. Parce que le mot autisme fait peur. Mm-hmm. Si je dis Asperger à un employeur, il ne va pas trop savoir ce que c'est, mais c'est une forme d'autisme. Donc je vais dire autisme Asperger et là ça va faire peur. Donc du coup, les employeurs sont pas prêts. Puis le dispositif qu'on met en place, il faut qu'il soit intégré, c'est quelque chose d'innovant. Et justement, comment parvient-on à établir un dialogue avec une personne atteinte d'autisme? Tout simplement, dirais, sans préjugés. Mm-hmm. Le mieux, c'est de ne pas avoir de préjugés, parce que c'est des personnes qui sont très attachantes, qui vont avoir du dialogue. Après, il ne faut pas avoir de préjugés, parce que c'est des personnes qui paraissent parfois bizarres. Parce que pour le grand public, on peut imaginer qu'établir un dialogue avec une personne autiste peut demander d'établir des stratégies pour créer le dialogue, etc. Non, c'est En étant simple, tout est possible. En étant simple et précis, tout est possible. Mm-hmm. Hein, en étant précis, précis dans les mots qu'on emploie. Donc, tout à fait, normalement. on n'est pas toujours précis. Les neurotypiques, ouais, on n'est pas toujours très précis. Hein. Donc finalement, face à une personne autiste, on peut soi-même se comprendre comme étant parfois imprécis nous-mêmes. Tout à fait. Ah ben bien sûr, le langage avec une personne Asperger est bien plus simple, il n'y a pas de quiproquo. Les mots, les bons mots sont employés. Alors que nous, on emploie des images, des choses qui, si on regarde, y a que, parce qu'on sait ce que ça veut dire. Mmh. En tout cas, nous sommes très heureux de pouvoir comprendre à ce micro le caractère à la fois formidable et paradoxal de l'autisme, puisque c'est bien par le dialogue que l'on peut faire émerger une avancée concernant ce handicap. Bien sûr. Et c'est absolument remarquable ou qui peut paraître inconnu pour le grand public, et c'est un plaisir que de le rappeler ici. Et pour conclure, Madame Crux, parce que malheureusement nous arrivons déjà ça au terme vite, très oui, vite. de cette émission, qu'est-ce que l'engagement civique pour vous? L'engagement civique, c'est donner de soi, donner du temps, donner de ses compétences, quelles qu'elles soient, pour les autres. Eh bien, c'est précis. Et cela c'est ce fait que honneur, je pense. Cela fait honneur, je pense, à tous les aspis qui nous écoutent. En tout cas, vous avez donné de votre temps et nous avons essayé à notre niveau de donner de la voix aujourd'hui à l'autisme. C'était Yves à la technique que je remercie chaleureusement. Et chers auditeurs, chères auditrices, c'était une nouvelle édition de Donner de la voix et je vous souhaite à tous une bonne semaine engagée. Donner de la voix sur Fadjet, présenté par Augustin.